Philae. Vous allez souvent entendre ce nom dans les semaines qui viennent. Avec un paroxysme le 12 novembre, date à laquelle cette petite sonde atterrira sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Philae est le petit atterrisseur que la sonde Rosetta va envoyer à la surface de la comète, au nom imprononçable, autour de laquelle elle s'est mise en orbite à plus de 1 milliard de kilomètres de la Terre. La raison pour laquelle les planétologues ont décidé de poser une petite sonde sur une comète est simple. On veut savoir de quoi sont faites les comètes. Ces objets qui existent depuis le début du système solaire sans avoir trop évolué, et qui sont des vestiges de notre système solaire vieux de plus de 4 milliards d'années. Nous voulons tout savoir sur les comètes, car elles peuvent être comme une pierre de Rosette pour notre compréhension de la formation de notre système solaire et, par extension, de tous les systèmes stellaires. Et Philae est une toute petite sonde de 100 kg à peine, avec un volume un peu plus petit que 1 mètre cube, mais littéralement bourrée de technologie. Car Philae doit analyser la comète Churyumov-Gerasimenko, alias 67P, in situ. Il n'est pas question de rapporter des échantillons, tout doit se faire sur place. Je vous propose de partir à la découverte de tous les instruments high-tech emportés par Philae, qui ont été imaginés et développés il y a maintenant plus de 15 ans. Ces instruments scientifiques sont au nombre de 10 et vont exploiter de nombreux paramètres physiques. La lumière émise, absorbée, diffusée, la conductivité électrique, le champ magnétique, la chaleur ou encore les ondes acoustiques. Tout ça pour étudier de nombreuses propriétés de la comète, et on peut citer la morphologie et la composition chimique du matériau de surface, la structure interne du noyau cométaire, ou encore les gaz ionisés au-dessus de la surface. Philae est en outre muni d'un bras pouvant emporter un instrument et a la possibilité de pivoter sur lui-même sur 360 degrés. Listons ces instruments un petit peu plus en détail. Alors tout d'abord, nous avons deux imageurs, SIVA et ROLIS. SIVA est en fait un ensemble de trois systèmes de caméras. SIVA-P est un système multiple de prise de vue panoramique, situé tout autour de Philae et permettant de surveiller les alentours de l'atterrisseur, notamment dans la phase d'atterrissage. SIVA-MV est un imageur en trois couleurs ayant une résolution microscopique, 7 microns. Et enfin, SIVA-MI, quant à lui, est un imageur infrarouge qui observera les échantillons avant qu'il soit envoyé dans les fours de Kozak et Ptolémée, voire plus loin. ROLIS, lui, est un imageur unique. Il couvre un champ de vue de 57 degrés et est situé à l'aplomb immédiat de Philae. Son objectif est de vérifier ce qui se passe exactement en dessous du module durant sa descente vers la comète. Mais une fois posé, ROLIS continuera à prendre des images de la surface en mode spectroscopique. Et comme il n'est pas situé au centre de l'atterrisseur, il pourra étudier une zone circulaire sous Philae, lorsque ce dernier produira des rotations autour de son axe. Puis, nous avons un instrument incontournable pour toute sonde ayant pour objectif d'analyser un matériau, quel qu'il soit, le APXS, pour Alpha Proton X-ray Spectrometer. Et comme son nom l'indique, APXS est un spectromètre qui exploite différents types de rayonnements. Il contient en fait une source radioactive de curium-244, qui est un puissant émetteur alpha. L'émission de rayons alpha vers le sol va permettre de connaître sa nature en mesurant les rayonnements qui reviennent vers la source d'émission. Alors ces rayonnements peuvent être de trois sortes. Premièrement, des rayons alpha, qui se trouvent rétrodiffusés par des noyaux d'atomes possédant à peu près la même masse que le noyau d'hélium, c'est-à-dire à peu près de l'hydrogène au béryllium, hein, en gros. Deuxièmement, des protons, parce que lorsque des rayons alpha interagissent avec des noyaux un peu plus gros, des protons peuvent être éjectés et être mesurés. Enfin, des rayons X, lorsque les rayons alpha ont ionisé des atomes et que les couches électroniques des atomes en question se réorganisent en produisant instantanément des rayons X, dont l'énergie particulière est une signature sans équivoque du type d'atome qui lui a donné naissance. Alors vient ensuite un instrument peu commun sur les sondes planétaires qui s'appelle CONCERT, Comet Nucleus Sounding Experiment by Radio Wave Transmission. Son objectif est de déterminer la structure interne de la comète en mesurant comment se transmettent des ondes radio à travers le noyau cométaire. En fait, des ondes radio sont émises par Philae et reçues par Rosetta, qui est en orbite, et inversement. L'atténuation des signaux radio est ensuite disséquée par des algorithmes très élaborés, et c'est alors la comète qui s'en trouve disséquée. Parlons ensuite de MUPUS. MUPUS, Multi-Purpose Sensor for Surface and Subsurface Science. Ouais, ça ne s'invente pas, hein. MUPUS doit étudier les propriétés mécaniques et thermiques du sol cométaire, jusqu'à une profondeur de 30 cm. Alors pour cela, il est muni d'un pénétrateur, qui est une sorte de gros marteau, devant taper un gros coup pour enfoncer l'instrumentation, composée de thermomètres qui seront situés à différentes profondeurs, ainsi que d'un accéléromètre. Au niveau de la surface du sol, MUPUS sera équipé d'un radiomètre, une sorte de thermomètre pour mesurer la température via le rayonnement infrarouge. Et il y a un autre instrument sur Philae qui va creuser des trous, et oui bien sûr, c'est SD2, Sample Drill and Distribution. Son but à SD2, lui, c'est de carotter le sol sur une profondeur maximale de 20 cm. Les échantillons prélevés, de quelques millimètres cubes seulement, sont ensuite distribués à d'autres instruments pour analyse, notamment COSAC et Ptolémée. Précisons que les zones à forêt par SD2 seront déterminées auparavant par les données issues de ROLIS et APXS. Eh oui, tout est réutilisé dans Philae. Alors, COSAC et Ptolémée, tiens, parlons-en. Alors COSAC, de son vrai nom Cometary Sampling and Composition, est ce qu'on appelle un chromatographe en phase gazeuse. Il analyse la nature des atomes ou des molécules d'un gaz grâce à un spectromètre de masse, qui va trier les molécules par leur masse respective. Il sera très utile notamment pour l'étude des molécules organiques, qui devraient être nombreuses à la surface de 67P. Bon, j'utilise son pseudo, hein, pardon. Hein. Ok. Et Ptolémée, tiens, lui, Ptolémée, c'est également un analyseur de gaz. Ah ouais, mais dédié principalement à la quantification des isotopes d'un élément donné. Un point essentiel sera en fait l'analyse du carbone contenu dans la comète et surtout les ratios des isotopes carbone 12, carbone 13, carbone 14 qui permettront de savoir beaucoup de choses sur l'histoire de la comète. Ces deux analyseurs, COSAC et Ptolémée, ont en commun qu'ils analysent du gaz, ce qui veut dire que les échantillons fournis par SD2 devront au préalable être chauffés pour, dans des petits fours pour en extraire le gaz à analyser. Alors, SESAME. SESAME signifie Surface Electrical Sounding and Acoustic Monitoring Experiment. En fait, sous ce nom unique se cachent trois instruments d'analyse acoustique et électrique. Eh oui. Le premier d'entre eux s'appelle SESAME-CAS. Il est tout à fait original dans le sens où il est positionné sur chacun des pieds de Philae et va émettre et écouter des sons, ah oui, dans la gamme audible en plus. C'est un peu le chant de Philae finalement. Un pied émet un son et les autres écoutent l'écho de ce son en provenance de l'intérieur de la comète, et ainsi de suite à tour de rôle. Mais SESAME-CAS fonctionnera aussi en mode silencieux, juste à l'écoute des craquements internes de la comète. Le deuxième élément de SESAME s'appelle SESAME-PP, C'est un instrument visant à mesurer la permittivité électrique du sol cométaire, toujours via les pieds de la sonde. Le troisième sous-système de SESAM est le SESAM DIM, pour Dust Impact Monitor. Son objectif, à lui, est de mesurer très précisément les grains de poussière venant impacter l'atterrisseur, grâce à un détecteur piézoélectrique. Il pourra compter le nombre de grains de poussière ayant une taille de 1 micron à 6 mm de diamètre et une vitesse comprise entre 0,025 et 0,25 mètres par seconde. Enfin, nous terminons ce tour de Philae par l'instrument ROMAP, Rosetta Lander Magnetometer and Plasma. ROMAP est, là encore, un détecteur multiple composé de trois appareils différents. Un magnétomètre qui mesurera très finement le champ magnétique de 67P, s'il y en a un, avec une sensibilité de 1 centième de nanotesla. C'est pas mal. Ensuite, un moniteur de plasma qui s'appelle ROMAP SPM, qui va mesurer la densité, l'intensité et la direction des électrons et des particules légères chargées au niveau du sol de la comète. Ce gaz ionisé n'est rien d'autre que le gaz relâché par la comète qui se trouve ionisé par le rayonnement UV du Soleil et qui va former la belle chevelure de la comète à son approche du Soleil. Et enfin, ROMAP contient également un capteur de pression pouvant mesurer une pression de l'ordre de 1 milliardième de la pression atmosphérique. Tous ces instruments de haute technologie ont été développés spécifiquement pour cette mission et ont dû être adaptés aux contraintes de masse, de taille et de puissance électrique consommées, qui ont été, on s'en doute, extrêmement difficiles à concevoir et à mettre en œuvre. L'enjeu est de taille, hein. Au-delà des planétologues, les scientifiques du monde entier attendent beaucoup des résultats qui seront obtenus grâce aux instruments de Philae. Le 12 novembre prochain sera un jour crucial. Il faut que l'atterrissage de Philae se passe bien.